Salut Bruno, t'as quel âge maintenant? T'as pas plus de 12 ans. En tout cas, tu les fais pas avec ton char d'autrefois. T'es le cas de Dynamique qui a bouffé de la dynamite. Le chanteur de Manila qu'on n'entend pas. Maintenant que t'es grand, tu peux faire du chant. Et même si ta voix c'est pas ça, aïe aïe aïe, c'est toujours mieux que Mère Teresa. Aïe aïe aïe. Chantons maintenant. 3, 4. Happy birthday to you, Bruno. Happy, happy, happy, happy birthday. Drapeau à nouveau. Mais revenons sur le thème de la chanson. C'est pour ça qu'on fait du son. On aurait pu chanter 28 ans, 27, pardon. Ça devient bon. Mais pourtant on s'est fait chier, on a tout recomposé. C'est pour ça qu'on fait du rap. Pour toi la petite frappe, tradition obligée. Voilà ce qu'on va t'envoyer et que tu vas écouter avec les oreilles. Chantons maintenant. 3, 4. Happy birthday to you, Bruno. Happy, happy, happy, happy birthday. Rappons à nouveau. Bon ok, c'était pas aujourd'hui, personne n'est parfait, c'est l'intention qui compte. On n'oubliera plus que c'est le 20 et que t'as 27, 27 pardon. Bon ok, c'était pas aujourd'hui, personne n'est parfait, c'est l'intention qui compte. On n'oubliera plus que c'est le 20 et que t'as 27, 27 pardon. Chantons maintenant, 3, 4. Happy birthday to you, Bruno. Happy birthday to you, Bruno. Happy birthday to you, Bruno. Happy birthday to you, Bruno. Happy, happy, happy, happy birthday. Happy birthday to you, Bruno.